le foyer, tous les jours revient ce même refrain. La société de consommation est sans lendemain. On nous dit canin, nous montons les degrés de l'échelle qui nous mène au bûcher pour avoir volé le feu du ciel. Nous avons volé le feu aux dieux, l'un d'entre nous du moins. Et depuis ce temps, il suffit l'incendie prométhéen. Car la flamme du savoir, de la science, la flamme originelle, les hommes l'ont transformé en brasier libéral et mortel. Et tout va brûler, tout va brûler. Dans tous les foyers, tous les jours, revient ce même refrain. Et c'est en creux de pub qu'on nous dit que tout brûlera demain. Les pompiers pyromanes sont ceux qui nous jettent cet anathème. Car ceux qui crient au feu et l'allume sont bien souvent les mêmes. Merci.